Cours numéro 21. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa naqra la sharh de Cheikh al-Fawzan de cette choubha. Et taqaddam ma'ana anna hadhihi al-choubha, c'est min a'azam choubhi. Et la onzième, qui c'est qui la résume en une phrase. عندما تفضل هم يقولون المشركون كيف تجعلون مثل الكفار المشركون الأولين أن نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصلون ونسوق ونعبد الله فكيف تجعلون مثلهم؟ نعم c'est طيب de continuer hakada, de répondre en arabe, même si on a encore des choses à, on a beaucoup de progrès à faire, lakin alhamdulillah, continue. Falihada nahnu dans notre cours, c'est volontaire, on vous interroge en arabe et vous répondez en arabe, yana nastavid, on profite, comment répondre, comment parler, et on se corrige entre nous, falhamdulillah, on progresse, et on voit des énormes progrès avec nos frères qui sont présents par rapport au début. Continuer. Ça c'est important, surtout pour les francophones qui veulent avancer en arabe, de ne pas toujours revenir aux traductions, ne pas oser faire le pas du français à l'arabe. Au début tu feras des erreurs, au début là je sais que la formulation de phrase en arabe elle sera pas bonne, au début tu te tromperas dans certains mots, surtout avec la grammaire. Tu mettras un mot marfou à la place du mansoub ou l'axe, il a arrêté. Seul. Lakin, si tu veux progresser, fais des comptes arabes et les mets en application. Que ce soit dans des dorus ou autre. Nous, on en profite. On en profite. Le dors, on lit en arabe. Et vous avez remarqué, vous avez l'habitude, on ne traduit pas tout. Mais il n'y a pas un grand profit. On explique en langue française le fond. Ce qu'on a besoin, maintenant telle chose c'est du shirk, ça fait sortir de l'islam. On n'a pas besoin de traduire la phrase complètement. Chaque mot, chaque lettre. Là, ça c'est, il n'y a pas de faïda. Les frères, on sent et on voit qu'ils progressent, dans la langue arabe, et le livre, ils le comprennent. Et t'as le monde, on ne peut pas tout traduire. Et on ne veut pas tout traduire. Il y a des choses, tu ne peux pas les traduire mot à mot. Des choses, tu dois les expliquer. Tu dois expliquer le sens, yakfi. Tout traduire, c'est très lourd, que ce soit pour le professeur ou pour ceux qui écoutent, et tu n'as pas la faïda. Le fait de faire en arabe, avoir le support en arabe, et on s'entraide l'explication en arabe, français, et un temps vous participez en arabe, Inch'Allah, on a vu dans le passé les fruits, et on voit avec vous, wallahi alhamd, encore les fruits, et on espère, et on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous facilite. فعلى كل حال أن leur shubha يقولون أن à l'époque ceux sur qui les versets sont descendus et c'était des koufars, ils ne sont pas rentrés dans l'islam, أنهم ils disaient pas shahada, ils ont refusé de prononcer, ils ont refusé de croire au prophète alayhi sallam, ils ont refusé de croire en ce Coran il a un khali al-mushrikoun à notre époque ils disent أنهم ils disent shahada. Et ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils aiment ce Coran, et ils ont la croyance que c'est haq. Qui va les mettre au même niveau, le même jugement, c'est des kuffars, comme al-mushrikoun, les associateurs qui étaient à l'époque du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le shubha. La réponse, indama, tadda. من فعل واحدا من داخل الاسلام فقد كفر من وقع في كفر celui qui fait un kufr il sort de l'islam. On parle de kufr al-kufr al-akbar et on répète dans ces dorus, on parle nous en général, mais la personne elle-même il faut des shurut, il faut qu'il s'écarte de certains mawani' ila akhir, ou il y a plutôt des mawani' et il y a des shurut al-muhim, et on avait fait une muqaddima fi nawaqid al-islam. لكن on parle nous الان من حيث العموم ان celui qui fait du kufr, kufr akbar, c'est pas une condition ان il doit tout délaisser de din, ne croire en rien pour être un kafir. Abadan. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il a cité des exemples. Ma'aban Hanifa, les Sahaba radiallahu anhum, ils les ont combattus. Malgré qu'ils faisaient salat, ils prononçaient le shahada, mais ils ont pensé que Musaylama c'était un nabi. Kafaru. Kadhalik, cet homme, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est moqué. Certains savants disent que c'était un musulman, d'autres disent que c'était un munafiq. Ala kulli hal, même si on dit que le qawl sahih c'est un musulman, malgré que le qawl sahih c'est un munafiq, mais si on dit que c'est un mu'min, ça l'a fait sortir de l'islam. Et on a cette croyance, si un mu'min il se moque du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, même s'il fait le salat, même s'il fait le siyam, même s'il fait le hajj, même s'il a un bon comportement, il sort de l'islam. On a beaucoup de preuves que des choses ont fait sortir de l'islam. Les imams de l'islam, les quatre écoles et autres, dans leur kutub de fiqh, ils ont cité Bab Hukm al-Murtad. Et ils ont cité plusieurs choses, bien sûr, ash-shirk, la sorcellerie, insulter Allah, se moquer d'Allah, il a agré les nawaqid de l'islam qu'on a vu, et beaucoup de choses. Certains, ils ont cité des centaines. Et des choses, fiha nazar, il y a des choses, c'est pas savoir, il y a des choses, ça demande à être détaillé. Ala kulli hal, il y a beaucoup de choses qui font sortir de l'islam. Maoula, ils ont pensé que vu qu'ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru au Coran, et ils ont prononcé shahada, et ils font salat l'akhirah, ce qu'ils font, ça peut pas faire les faire sortir de l'islam. On a déjà précisé un al-ba'd. Certains, ils confondent l'islam en tant que religion, din et l'origine. En d'autres mots, certains, ils pensent que tant que c'est un arabe et ses parents c'est des arabes et des musulmans, ça c'est forcément un musulman jusqu'à qu'il meure. C'est pas comme ça, din. Ça c'est ton origine, même. Tu es marocain, tu es algérien, tu es sénégalais, tu es chinois. N'importe quelle origine, tu peux pas la perdre. Il a un tamoud. Mais din, c'est pas une origine, din, c'est pas une couleur. Din, c'est la religion, c'est une croyance, des paroles et des actes. Celui qui contredit cette croyance, ses paroles et ses actes, il perd ce din. Allez, là, tu trouves des musulmans blancs, noirs, tu trouves des musulmans arabes, non arabes, tu trouves des musulmans chinois, africains, européens. C'est pas un pays l'islam. L'islam c'est une croyance. Celui qui a cette croyance et qui l'applique, c'est un musulman. Et c'est pour ça que tu trouves des koufars arabes, des koufars européens, des koufars africains, il a akhir. Le meilleur exemple, c'est à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam. Bilal radiallahu anhu, c'était pas un arabe. C'était un africain radiallahu anhu, d'origine. Et c'était un musulman, sahabi, jalil radiallahu ta'ala anhu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'aimait beaucoup. Abu Jahl min Quraysh, la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était un kafir, billah azza wa jal. Salman al-Farisi, c'était un perse, c'était pas un arabe, c'était un musulman. Et Abu Lahab min Quraysh, c'était un kafir. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le même sang, le frère de son père. Et il aimait beaucoup le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a défendu, il a akhiré, il a refusé de dire la ilaha illallah. Allez, hada, quand il est mort, et ta'ammalou, la position de son fils, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Vu que Ali radiallahu anhu, depuis très jeune, il a suivi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté le message et c'est devenu un sahabi jalil radiallahu anhu. Quand son père il est mort, vu qu'il a été éduqué à la tawhid ou à la sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand son père il est mort, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « Inna ammaka al-shaykh al-dal qad mat » et ton oncle, le vieux égaré, il est mort. Imam. Les sahaba radiallahu anhu, ils n'ont pas été éduqués les sentiments et les khurafat et pas de principe. Chaque arabe, c'est un musulman. Pardon, ils ont cette aqida. Hatta quand tu lui dis maintenant au Liban ou dans tel pays, il y a des arabes juifs, il n'arrive pas à comprendre. Okay, c'est un arabe et un juif. Non, c'est un arabe d'origine et il a choisi, iyadam billah, la religion de l'Yahoud. Bad al-awam, hatta, ils ont du mal à comprendre un tel converti c'est devenu un musulman. Il y en a pour eux, si maintenant c'est un européen, il a son din, maintenant le christianisme. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Notre din, il n'est pas fondé sur al-asabiyya, ou sur une terre, ou une origine. Notre din, c'est une foi avec des paroles et des actes. Celui qui applique, c'est un musulman. Ha'oula, en haqiqa, dans cette chouba, ils ont pensé que vu qu'ils sont les musulmans, leurs parents sont des musulmans, ils ont fait salat et ils aiment le Coran, ils ont pensé que personne ne peut dire c'est des koufars. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez remarqué que beaucoup de gens ils accusent l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, l'auteur des Keshubra, Il l'accuse de faire sortir les musulmans de l'islam. Ils n'ont pas compris le din. Awalan, Cheikh l'islam, il ne fait pas sortir Ha'oula de l'islam. Il leur montre. Et Yansah, il a écrit ses kutub que pour Hada. Et ce qu'il a fait sortir de l'islam, ce n'est pas lui. Il a des preuves, mais le Coran ou le Sunna. Et on a lu des Aqwalan, l'ignorant, même ceux qui font du shirk en exagérant sur certains pieux. Rahimahullah, dans certaines de ses paroles, il montre qu'il faut leur montrer. Avant de les faire sortir de l'islam. Il y en a, c'est des ignorants. Il avait de la rahma pour l'umma. Avec une certaine chose, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. C'est du shirk, c'est du kufr, c'est très très grave. Et il voulait leur bien. C'est pour ça qu'il a écrit ses livres et il leur a montré. Et kathir minhum, wallahi alham, ils ont accepté. Et la da'wa de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, ça a été la cause de leur guider. Mais idnillahi azza wa jalla. Mais les ignorants, ils mélangent tout. Ils disent, vous faites sortir les musulmans de l'islam. Ils disent ça en parlant de Rafida. Ils insultent les compagnons. Ils accusent Aïcha. Ils accusent Hafsa, la femme du prophète. Ils l'insultent, il a akhiré. Ils insultent Jami' Ahl al-Sunnah. Ils insultent les savants. Ils critiquent le Coran Karim. Bal wallahi wa'adhum, ils critiquent Jibril. Bal wallahi wa'adhum, ils critiquent Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il a pris un tel comme compagnon, il a akhiré. Bal wa'adhum, yata'an fillah. Azza wa jal. Anna Jibril, il s'est trompé. La révélation, il devait la faire à Ali, il l'a fait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est tant le faire pour l'alamin. Malgré tout cela, à la fin, ils disent quoi? Pourquoi vous dites que c'est des koufars? Et entre nous et les chiites, c'est une divergence. Comme les divergences entre Al-Hanabila ou Al-Malikiya, par exemple. Pardon, ils ont ce principe. C'est grave, hein? Si tu penses que Rafidi, c'est un musulman, avec tout ce qu'on vient de citer comme mécréance, c'est très très grave. Imma tu connais pas Rafida les chiites, imma tu connais pas ton dit. Amma c'est pas possible. Beaucoup de gens, et on insiste sur cela, ils ont une image du din de l'apparence. Un muslim c'est maintenant un Marocain ou un Algérien, et il a un nom muslim et il va de temps en temps. Mais j'ai dit, pour eux c'est ça le muslim. C'est pour ça que tant qu'ils le voient, vu que son apparence elle change pas, son prénom il change pas, ils disent que ça reste un musulman, même s'il fait Jami al-Masa'i, même s'il fait du kufr laylan wa nahar. Et c'est pour ça que nous on doit apprendre notre din. Il y en a, si tu apprends pas ton din, tu pourras tomber dans un des deux extrêmes. Et m'a faire sortir de l'islam injustement, comme ils ont fait le khawarij, il y en a qui ne connaissent pas de din. Ou un qui fait un péché, c'est plus un musulman. C'est de l'exagération, hein. Ou tu pourras tomber, iyadam billah, dans l'autre extrême. Soufi, Ghali, Zindiq, Mulhid, مثل الحلاج وابن عربي إلى آخره, أو رافضي, خبيث, مثل الخميني, etc. Et tu trouves بعض الناس, ils disent, هؤلاء c'est des musulmans. بل بعضهم, ils disent, هؤلاء c'est des أئمة. On a certaines divergences, mais ils ont fait beaucoup de bien. C'est un autre extrême. Le juste milieu. Ton frère musulman, c'est un musulman, même s'il a des faiblesses. Et Al-Kafir, Al-Mujrim, que ce soit un juif, un chrétien, ou un chiite égaré, ah, c'est un kafir et on le déteste, Allah. C'est ça notre dit. Et certains, ils n'aiment pas entendre mitlehala. Lakin, fais attention, Akhil Karim, au sentiment. Wallahi, si tu veux dire que ce que les gens ils veulent entendre, tu feras beaucoup de mal à ton dit. Dis le haq. Et Ahlul Haq, ils seront d'accord avec toi. Ahlul Ahwa, et ceux qui aiment Al-Kuffar, qui aiment Rawafid ila akhiré, t'accuseront de Wahhabi ila akhiré, ça fait que des hasanats en plus. Ils t'accusent Bighayri Haq, bi'idnillah yawm al-qiyamah, il te donnera de ces hasanats. Si c'est un muslim, si c'est un mujrim kafir, tu allégeras tes péchés en lui donnant une part. Wallah al-musta'an. Cette chouba est très très importante, et dans ce dars, naqra, le sharh de Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى قال وفقه الله ما زال الشيخ رحمه الله يواصل الرد على الشبهات المشبهين في مسألة الشرك والتوحيد فانتهى إلى هذه الشبهة العظيمة التي هي من أعظم شبههم وأخطرها ألا وهي قولهم إن من شهد أو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلى وصام وحج وأدى الأعمال فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل من أنواع الردة. C'est ça leur chouba. Celui qui fait le salat, qui fait le siyam, bien sûr, qui prononce Al-Shahada, passer un musulman. Et il ne peut pas sortir de l'islam. Ou là, ils n'ont pas compris c'est quoi, fait le haqiqa, dinou l'islam. Dinou l'islam, il y a une porte par laquelle rentrer, c'est le fait de prononcer shahada. Celui qui prononce shahada, c'est un musulman, il doit faire salat ila akhir. Et kadhalik, iyadam billah, il y a une autre porte qui peut faire sortir hada l'insan min l'islam. C'est les annulatifs de l'islam. Al-shirk, la sorcellerie, insulter Allah, se moquer de la religion, ila akhir. Penser qu'il y a une voie meilleure que celle du prophète alayhi salatu wassalam, penser que les kuffars ils sont à la haqq, tout ça, ça fait sortir de l'islam. Limada li'anna fi haqiqa, ça contredit le Coran ou le sunnah. Wa taqaddam ma'ana kadhalik, adhan fi al-wajibat, anna al-imam, al-shir Sulayman, rahimahullah, le petit-fils de l'auteur, sahib taysir al-aziz al-hamid, sharh kitab al-tawhid, il a cité l'ijma', anna celui qui fait du shirk, il sort de l'islam même s'il fait le salat, même s'il fait le siyam, même s'il fait le hajj. لماذا لأن الله عز وجل قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى il a révélé au prophète صلى الله عليه وسلم à celui qui fait du shirk, Allah il lui annule toutes ses œuvres. ليحبطن عملك, et عملك s'englobe le salat, le siyam, le hajj, toutes les œuvres, elles sont annulées عند الله. Et dans l'autre verset, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas le shirk. Celui qui met le shirk, Allah ne lui pardonne pas. Même s'il a fait le siyam, salat ila akhir. لأن الشرك أعظم ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. Ça annule tout, iyadan billah. C'est le plus grave des péchés. Et haoula, en fait, ils prétendent à l'homme, ils font salat, ils font le hajj. Lakin, ils ont fait le plus grave des péchés. Limada, ils ne le délaissent pas. Si vraiment c'est des musulmans et ils veulent, ils espèrent que Allah il accepte leurs œuvres, limada, ils ne délaissent pas le péché le plus grave. Mais il y a des versets extrêmement nombreux dans le Coran Karim. Ça montre, iyadan billah, que le cœur, fih ma fih, min marad. قال أما الذين نزل فيهم القرآن وهم المشركون الأولون فإنهم ليسوا مثل هؤلاء فهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولم يدخلوا في الإسلام فهم لا يؤمنون بالله ولا بالرسول ولا بالإسلام ولا بالقرآن. C'est ça la shubha. Donc, à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, les mushrikoun, ils ne prononçaient pas shahada. Et ils ne pensaient pas, ils n'avaient pas la croyance en le Coran, c'était le haqq, ila akhir. قال أما هؤلاء فأظهروا الإيمان بالبعث ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويذكرون الله كثيرا. أما المشركون من قبل مثلا بعضهم يفعل الصلاة يفعل الحج إلى آخره. فالشيخ رحمه الله عند هذه الشبهة خاصة قال أصغي سمعك لجوابها فإنها من أعظم شبههم. صحيح أن dans les autres شبه l'auteur رحمه الله il a pas insisté sur le fait que tu dois bien écouter. Asri sam'ak. Écoute bien, sois attentif. Limada li anna. Cette shubha, c'est une des bases. Si tu arrives à comprendre, alhamdulillah, ça va t'ouvrir des portes dans beaucoup de ilm, dans beaucoup de points fi tawhid. Qala thumma radda al-shaykh rahimahullah ala hadhihi shubha min sab'ati wujuh muhimma. 7 points. Il a résumé Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala en 7 points. Le premier قال الوجه الاول انه من امن ببعض الاحكام الشرعيه وكفر ببعضها الاخر فهو كافر بالجميع وهؤلاء انكروا التوحيد الذي جاءت به الرسل وهو افراد الله بالعباده فهؤلاء لم يفردوا الله بالعباده وانما اشركوا معه غيره من الاولياء والصالحين. مع هذا انهم يزكوز الموحدين et prétendent ان ceux qui leur montrent qu'ils leur disent il faut pas faire de shirk ils rejettent leur da'wa même si c'est appuyé par des versets du Coran Karim. Hada, c'est du kufr. Hada, le shirk qu'ils font, c'est du kufr. Et plus grave encore, non, ils n'acceptent pas le haq. Ça montre qu'ils ne veulent pas, ils veulent pas l'iman. Qalif, l'islam la yakbal al-tajzi'a wa la tafriqa wa a'zamu al-islam al-tawhid wa huwa da'watu jami'i al-rusul wa ha'ula jahadu a'zam shay wa huwa tawhid al-ibada. Et ça, c'est un kalam jamil. Anna l'islam la yakbal al-tajzi'a. L'islam, on ne peut pas le séparer. Et on accepte telle partie, on rejette l'autre. Maintenant, ils disent on a accepté le Coran, on fait le salat, on fait le siyam. Lakin, adorer Allah seul, là, pour eux, là, on a le droit de prendre des intermédiaires. Il est là le shirk, il est là le problème. Ce point, ça annule tous les autres. Qala, wa qalu la ba's أن ينظر الإنسان لفلان ويذبح لفلان لأنه ولي والولي ينفع ويضر مما هو مثل فعل المشركين الأولين même si le disent pas avec les sains et le maqal حالهم إلى على هذا même si le disent pas الولي il t'aide, il peut t'aider, il peut te nuire, il peut être profitable الحقيقة leur فعل يبخوه هذا وإلا pourquoi méditez bien sur cette question pourquoi quand leur enfant il tombe malade ils demandent au wali et ils vont visiter la tombe. Alors qu'ils croient en Allah, falimala, ils ne demandent pas Allah Azza wa Jalla. Ils lèvent leurs mains et disent Ya Rab, mon enfant il est malade, fa guéris-le. Ya Rab, fais-lui miséricorde ila akhir. Il est malade. Ça montre annahum ils font du shirk. Et ça montre annahum ils ont une aqida envers le monde. Fa mazala haoula, pourquoi ils ne demandent pas à un arbre ou à un mur ou une pierre? Tu prends n'importe quelle pierre dehors et tu lui dis pourquoi tu ne demandes pas cette pierre? Elle n'a aucune croyance, elle n'a aucune aqida. Pourquoi il insiste sur le qabr de Sidi Boulin? Elle a une croyance. Wallah, il n'aurait jamais voyagé. Est-ce qu'un père de famille, Madalan, il va délaisser son travail? Il va voyager dans tel pays? De l'argent, tous les sacrifices qu'il fait pour emmener son fils pour voir Sidi Boulin. Ils appellent ça une ziyara. C'est du shirk, pour demander et sacrifier. Il l'a parce qu'il a une croyance. Wallah, il n'aurait jamais perdu son temps et gaspillé son argent pour son enfant malade dans une chose où il n'a aucune croyance. On ne demande pas au mort. Et non, on n'a pas cette croyance. Qu'est-ce qui va me donner ce mort? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Qala al-wajhu al-thani. Dhakara al-shaykh rahimahullah. Donc le premier point, on est obligé de croire à هذا الإسلام complètement. On n'a pas le droit de choisir certaines choses et rejeter d'autres. الوجه الثاني ذكر الشيخ رحمه الله وقائع في التاريخ الإسلامي تدل على أن العلماء في كل زمان يكفرون من آمن ببعض وكفر ببعض منها أن الصحابة ومن بعدهم قاتلوا الذين يتظاهرون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون لكن لما فعلوا شيئا من الشرك أو جحدوا شيئا من الدين قاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وذلك كما يلي. La deuxième réponse, al-Sheikh rahimahullah, il a cité des exemples pour montrer à certains groupes, ils ont accepté l'islam en apparence, ils ont prononcé shahada, ils ont fait salat, malgré cela, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les personnes qui connaissaient le mieux le din, les personnes qui ont vécu la révélation, les élèves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris le Coran directement de lui, il les a conseillés directement alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils les ont combattus, ils étaient tous d'accord. Et ta'lamouna anna as-sahaba radiyallahu anhum ne peuvent pas se rassembler sur une erreur, abadan. S'ils sont tous d'accord sur une chose, c'est l'ijma, c'est haq. Parmi ces groupes, awwalan banu hanifa, i'taqadu anna musaylamata rasulullah walladhina jahadu wujub al-zakat ba'd wafat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Na'am. مسيلمة تقدم معنا اي كذلك سكيون جحد وجوب الزكاة سك أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى كومباتيو لماذا؟ لأن أبخل أمور دي بخفت عليه الصلاة والسلام إزيت أبك النبي صلى الله عليه وسلم كنت لبخفت صلى الله عليه وسلم إذن دي أنصر بلا زكاة لماذا؟ لأن إزن بانسي كأبخل أمور دي بخفت صلى الله عليه وسلم ستة بلو أبليغاتوار أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى كومباتيو beaucoup d'entre eux والله الحمد sont revenus. Ceux qui se sont entêtés, ils se sont égarés, ils les ont combattus. Lillah Azza wa Jalla. Limada, lianna zakat, c'est obligatoire. Lillah taqumu sa'a. C'est pas réservé la zakat que pour l'époque du prophète, alayhi sallam wa sallam. Qala, wa thaniyan fi ahdi Ali, radiyallahu anhu, kaffaru al-ghula. Al-ghula, c'est le pluriel de ghali. Et ça vient du mot ghulu. Et l'exagération. Al-ghula, c'est ceux qui exagèrent. الذين قالوا إن عليا هو الله. العلماء اللي يقول السبائية les suiveurs de Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Zindir c'est un juif du Yémen de Sana'a et il s'appelait Abdullah ibn Saba et il a fait croire à ses suiveurs أن عليا رضي الله عنه c'était Allah. لماذا؟ لأن il voulait diviser les musulmans. C'est pour ça qu'il a prétendu à Allah et certains de ses suiveurs ils l'ont suivi et ils ont cru en son mensonge. Ils ont prétendu que Ali c'était Allah. Ha'oula, c'est As-Saba'iyya. Et les suiveurs de Abdullah ibn Saba. Ma'a annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah ويصلون ويصومون وهم في جند علي رضي الله عنه، لكن لما أظهروا الغلو حرقهم علي رضي الله عنه مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ولكنه حرقهم لما اعتقدوا أن شخصا له حق في الألوهية كفرهم وحرقهم بالنار رضي الله عنه. Donc les premiers Banu Hanifa, les deuxièmes Saba'iyya. هؤلاء faisaient apparaître l'islam, لكن ils ont contredit leur islam. Les Sahaba, ils les ont fait sortir de l'islam. Est-ce que les Sahaba, radiallahu anhum, ils ont dit là? Ils disent la ilaha illallah. Là, ils font salat. Là, ils ont regardé la chose qui annule et ils ont jugé par rapport à ce point. Thalithan, fi ahd al-Abbasiyyin, zaharat firqatu al-Ubaydiyyin, wa hum ta'ifatu al-Shi'ah al-Isma'iliyya, li'annahum yantasibuna ila Isma'il ibn Muhammad ibn Ja'far, wa lidhalika summu bil-Isma'iliyya. وسموا الفاطمية لأنهم يزعمون أنهم من ذرية فاطمة. نعم، بعض العلماء اللي ذكر الفاطمية، بعض العلماء اللي ذكر الإسماعيلية ذروات من الغلاة، هذا كفر زنادقة. هؤلاء سبادي مسلمين لأنهم يزعمون أنهم من ذرية فاطمة، ولذلك يقال لهم الفاطميون، وفي الحقيقة أنهم من اليهود، وفي الحقيقة أنهم من اليهود أظهروا الإسلام. كم الرافضة؟ Ils sont proches من اليهود dans beaucoup de choses et ils font apparaître l'islam. ولكن ظهر منهم كفرية وفي النهاية ادعى حاكمهم الألوهية مثل الحاكم العبيدي. Leur chef, leur amir, il a fait croire que c'était lui, عياد بالله الله. ادعى الألوهية. انظروا الكفر. Malgré qu'il faisait apparaître l'islam, quand les musulmans les ont combattus, il a montré son vrai visage. قال فالصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصومون ويحجون، لكن لما ادعوا أن مسيلمة نبي كفروهم، لأن من اعتقد في شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي فقد كفر وإن كان يصلي ويصوم. Ça, ça fait partie des annulatifs de l'islam. Celui qui prétend qu'il y a un prophète après le dernier des prophètes Muhammad صلى الله عليه وسلم. صد الإسلام، ممسي في الصلاة، ممسي في الصيام. قال ولذلك حكم المسلمون اليوم بكفر القاديانية الذين يدعون أو يدعون نبوة أحمد القادياني. نعم، هؤلاء الكفرة. Une secte qui est apparue il y a quelques années, القاديانية. بعضهم ils les appellent الأحمدية. C'est des kafara. Ils prétendent que leur shir, leur guide, c'est un nabi. عياذا بالله. Ils se prétendent musulmans. Et tu les vois en apparence, c'est comme des musulmans. Mais à notre époque, ils disent que leur cheikh c'est un nabi. Ayyadan billah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit clairement la nabiyya ba'di. Il n'y a pas de prophète après moi. Ahaoula yizdi. En réalité, ils la yu'minun bi qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam. Falihada al-ulama kaffaruhum. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré que le nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est khatam al-nabiyyin. Le dernier des prophètes. En réalité, يكذبون بهذه الآية والحديث سبق المسلمون. أما n'importe quel مسلم الآن tu lui demandes est-ce qu'il y a un nabi après le prophète محمد صلى الله عليه وسلم, il te dira لا, il te dira لا. قال فإذا كان من رفع رجلا إلى مرتبة النبي كفر فكيف لا يكفر من رفع رجلا إلى مرتبة رب العالمين وصرف له أنواعا من العبادة كالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك. Et c'était ça la hujja de Cheikh l'Islam رحمه الله. Et si vous prétendez anna haoula kafaru li'annahum disent que Musaylama c'était un nabi, que dire de ceux qui ont élevé al-awliya wa sadat sidi fulan ila akhiri martabati al-uluhiyya wa rububiyya ils adorent min dunillah azza wa jalla. La shak annahum c'est des kufar. Wa qawl al-shaykh rahimahullah kaman rafa'a tajan wa shamsan wa yusuf nas fi zamanihi ghalabihim an-nas بحجة أنهم أولياء ولهم شعوذات وخوارق وهم على طريقة الحلاج وابن عربي كما نتخبق avec التيجاني والبدوي وعبد القادر الجيلاني إلى آخره des personnes qui sont adorées من دون الله. قال وهم على طريقة الحلاج وابن عربي زنادقة ملاحدة. الحلاج باطني مجرم qui faisait apparaître l'islam. Et Ibn Arabi, min ru'us as-sufiyya kadhalik, c'est un zindiq, l'ulama kaffaru. Al-Hallaj, yadhkurun anhu, anna marra, il a dit à sa belle-fille, la femme de son fils, Marra, il est venu la voir et il lui a dit, fais sujoud pour moi. Il lui a demandé de faire sujoud al-Khalil. La fille, elle était à al-Fitra, lui a dit, la kina sujoud, c'est que pour Allah Azza wa Jal. Il lui a dit, ilahun fi sama wa ilahun fi l'ard. Il y a ilah, Allah fi sama, il y a ilah fi l'ard. Lui. Tu adores celui qui fait sama et tu adores celui qui fait l'ard. Andor al-Khalil, al-Hallaj. وَمِنْ عَرَبِي كَذَلِكْ كُفْرِيَّةً كَثِيرًا أَصْحَابُ وَحْدَةِ الْوُجُودِ. Et on essaiera avant la fin de Ramadan de faire une kalima sur Al-Hallaj. وَلَوْ مُخْتَصَرًا. Les Anna, ils ont annoncé Anna, pour ce Ramadan, ils ont fait une série sur Al-Hallaj. Et à la télévision. Dans le monde musulman, en arabe. لِمَاذَا لِأَنَّا عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ. C'est un imam. Et vu que beaucoup de la communauté sont attirés par ce groupe, et c'est pour combattre l'islam, c'est pour combattre Ahl-Sunnah. Ils ont fait une série télévisée sur Al-Hallaj. Et les séries télévisées, ça touche beaucoup de monde. Ce n'est pas tous les musulmans qui vont lire Keshf al-Shubuhat et qui écoutent. Là, la plupart des musulmans, leur source, c'est la télé. Et s'il y a une série télévisée sur Al-Hallaj et ils vont montrer que c'est un imam, il a appris, il fait qu'il y a un imam. Ça va s'ancrer dans leur cœur et ils vont penser que c'est ça le haq pour les égarer. Exactement comme le film Tadkuru, Le Messager. Ça, c'est un film de Rawafid. Un film, il est très très grave, Le Messager, pour montrer la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le film, il n'y a en aucun cas, à aucun moment, Abu Bakr radiyallahu anhu les cite. Ou Omar, ou Aisha, ou Uthman. Les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont jamais cités. Il n'y a que certains de la famille du prophète avec des mensonges. Et vous avez remarqué que le film, en aucun cas, il parle de tawhid. Ça n'a rien à voir avec la vie du prophète. Mais c'est qui a fait ce film? C'est Ashia al-Rawafid. Et il a été traduit en plusieurs langues. Et certains musulmans, c'est la source, le messager. Alors que Iyadan Billah, c'est de l'égarement. Et vu que ulama al-Sunnah, ils ne font pas ta'wa avec des films et des séries. Enfin, tu trouves, ils sont loin du haq. Lakin Allah, il a le hikmah. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire, nous. Abadan. Celui qui veut le haq, c'est le Coran, c'est des sunnahs, c'est dans les durus, c'est dans les livres. Amma, faire ta'wa avec du haram, abadan. Nas'Allah al-Afiyah. Inch'Allah, on essaiera de faire une kalima sur le halaj. Et kadhalik, deuxième point, l'anna as-safi, haz-za'ir, islam, ibn Ahmed, il a une kalima sur le halaj. Il a une série de cours sur les savants qui ont été oubliés dans l'histoire. Et il cite minhum al-Hallaj, al-Zindiq al-Kafir. Et il le fait apparaître qu'annahu, c'est un imam min a'immat al-Muslimin. Mais il reconnaît annahu, il a des égarements, mais c'est un homme pieux, c'est un imam muhim takhabbut. Si on peut, avant Ramadan, on essaye de répondre à hadha as-safih et en même temps mettre en garde contre al-Hallaj. Et pour montrer ses égarements, les anna. Dans le monde musulman, al-Ba'd pense que c'est un imam. قال الوجه الثالث نسأل الله التوفيق. الوجه الثالث أن العلماء رحمهم الله عقدوا بابا في كتب الفقه سموه باب الردة وذكروا فيه نواقض الإسلام. Donc le bab al-Ridda qui est dans كتب الفقه c'est نواقض الإسلام. وذكروا أشياء قد تكون صغيرة في أعين الناس ولكن حكموا أن من فعلها ويعتقدها يكفر مع أنه يصلي ويصوم ويعبد الله ولم يحصر حصول الردة بما ذكرتم. Et ça c'est l'unanimité des savants. Il y a certains points, il y a téléphone et certains annulatifs, lesquels les 10 annulatifs que Cheikh l'Islam a cité d'autres, il y a l'unanimité. Ça montre que la mécréance, ce n'est pas que de dire que le Coran c'est pas la parole d'Allah ou le prophète c'est pas un avis, ça c'est du couple, mais il n'y a pas que cela. قال الوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس لقولهم كلمة تكلموا بها أبطلت إسلامهم وإيمانهم كما قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قالوا كلمة الكفر أي une كلمة ça peut être cause de kufr, de sortir de l'islam كما قال عز وجل فكفرهم بكلمة مع كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون ويجاهدون. Et à الصحيح أن dans la deuxième قصه celui qui s'est moqué الصحيح c'est que c'était un منافق. الوجه الخامس أن الله كفر أناسا بسبب كلام قالوه على وجه المزاح واللعب وأنزل في شأنهم ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم مع أنهم يصلون وقد غزوا مع رسول الله مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بل ils ont dit هذا quand ils allaient ou ils revenaient du jihad une bataille et ils ont dit هذه الكلمة أي ce منافق il a dit cette كلمة أي c'est moqué لكن لما قالوا هذه الكلمة كفروا بعد إيمانهم أي ما رأيت il a dit ما رأيت أي il a pas vu des gens qui s'occupent autant de leur ventre que le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons كذلك des menteurs qui mentent autant que le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons et كذلك أجبا عند اللقاء أي qui manque de courage face à l'ennemi que le prophète صلى الله عليه وسلم et ses compagnons quand sahabi رضي الله عنه il l'a entendu et il lui a dit je vais aller le dire au prophète صلى الله عليه وسلم ce que tu as dit il a dit c'était pas sérieux, je plaisantais. Alors, quand As-Sahab il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui était un peu plus loin, et ce munafiq il l'a suivi, dès qu'ils sont arrivés vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le verset était déjà descendu. قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ Et ne vous excusez pas, vous êtes sorti de l'islam. Ça, ça montre que même si c'est en plaisantant, ça fait sortir de l'islam. Mabalouk, celui qui invoque les morts, il est sérieux et il espère et il a la conviction que ça le rapproche d'Allah Azza wa Jalla. قال لكن لما قالوا هذه الكلمة كفروا بعد إيمانهم ولم ينفعهم أنهم يصلون ويصومون ويجاهدون. C'est aucune utilité هذا مع الشرك. Les œuvres c'est utile avec l'iman, avec le tawhid. أما الشرك ça annule tout. الشرك c'est comme celui qui remplit un sac d'eau ou de sable. Et le sac, il est troué. C'est la même chose. Il fait et tout s'en va. يوم القيامة, le sac, il est vide. Aucun amel. قال, فهذه الوجوه فيها إبطال هذه الشبهة وفي الحقيقة أنها من أعظم الشبه. ولكن جوابها واضح ولله الحمد. صحيح, c'est leur plus grande شبهة. لكن les réponses, les points que l'auteur il a cité, رحمه الله, ils sont très clairs. Le sixième point, الوجه السادس, أن قوله من الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك ça c'était le début leur shubha أنهم يؤمنون بالله يدي الشهادة يفون الصلاة comment dire أن هؤلاء sont comme les mushrikin. قال يجاب عنها أن الرجل إذا صدق الله في شيء وكذبه في شيء فهو كافر مرتد عن الإسلام. أي celui qui croit en une partie du message et il ne croit pas en une autre partie, فهذا في الحقيقة il a pas cru. T'es obligé de croire en tout. C'est pour ça que عقيدة المؤمن أنه il doit croire en tous les prophètes, tous les messagers. Celui qui ne croit pas en un, فكفر بالجميع. فلهذا قال الله عز وجل في القرآن كذبت قوم نوح المرسلين مع أن قوم نوح ils ont connu qu'un prophète لماذا لأن tous les prophètes ils sont venus après نوح مع هذا قال عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين أي le peuple de نوح ils ont mécru en tous les messagers pourtant ils en ont eu qu'un c'était les premiers enfin, ça montre l'ulama il dit dans celui qui ne croit pas en un messager il ne croit pas en tous C'est pour ça que les Yahoud, Banu Israël, ils ont cru en tous les messagers. Mathalan, les chrétiens, ils ont cru en Moussa, il a akhiré en Ibrahim. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas cru, c'est des kuffars. Même s'ils n'auraient pas prétendu que Isa, c'est le fils d'Allah. Le fait qu'ils n'ont pas cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça les a fait sortir de l'Iman. Hakad al-Malaika, hakad al-Kutub. Celui qui croit, Mathalan, au livre et ne croit pas au Coran, c'est pas un musulman. T'es obligé de croire en tous les livres. Bien sûr, on a la aqidah, les livres qui ont été révélés par Allah Azza wa Jalla, mais ce qui est falsifié, c'est des mensonges. Mouhim, ça c'est des exemples pour vous montrer que din c'est un tout. On peut avoir des faiblesses dans quoi ? Dans l'application, na'am. Qala, wa kaman aqarra bit tawhid wa s-salat wa jahada wujub az-zaka wa aqarra bi hadha kullihi wa jahada as-sawm wa aqarra bi hadha kullihi wa jahada al-hajj wa in kana yashhadu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan رسول الله هذا تقدم الوجه السابع septième dernier point أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إلى قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فدلت الآيات على أن من جحد وجوب الحج كفر، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله فكيف بمن جحد التوحيد وأجاز عبادة القبور. أي celui qui rejette le hajj c'est pas un musulman، أي qui rejette l'obligation. Ama celui qui ne fait pas le hajj, c'est un grave péché, c'est un grand péché. Lakin le fait de penser, de croire que c'est pas obligatoire, ça fait sortir de l'islam, ou penser que c'est pas légiféré. Ama celui qui a rejeté le tawhid, fala shakana, son cas il est plus grave. Hadihi ash-shubha, et la réponse, c'était une des plus grandes shubha, et la réponse, c'est un des passages les plus profitables de ce livre. Radiou. Rendez-vous ce passage et le prochain cours, Inch'Allah, révise et on continue la lecture, la deuxième Shubha, Inch'Allah ta'ala. Naktafi bihadal qadr, wa alhamdulillahi rabbil alameen.